Épisode 6. Mercredi soir, c'est pasta réunion. Écumoire non fournie. Dans un silence al dente, monte la rumeur troublante et fervente d'un cœur désaccordé. Et qu'est-ce qu'on fout ici ? J'aime bien l'ambiance. Et c'est ton idée, je te signale. Moi, je pensais qu'on allait boire une bière. Ouais, moi aussi. Et puis, je me suis souvenu de ces réunions du mercredi soir qu'on a vues sur le tract. Je te jure. Même ma mémoire s'amuse à me pourrir la vie. Oui, bah, maintenant qu'on est là, on n'a qu'à regarder comment ça se passe. Alléluia ! Bienvenue pour cette nouvelle réunion sous l'égide bienveillante de sa suprêmeté nouillesque aux mille et une saveurs ! Ouais ! Moi le beurre ! Nous allons incessamment sous peu procéder au sacrifice rituel. Bon, j'en ai assez vu, on se casse. Mais attends, c'est marrant. Et puis ça commence à peine. Ok, mais je te préviens, s'il y a bavure de ma part, ce sera de ta faute. Et c'est Christine que nous remercions ce soir, puisque c'est elle qui a fourni les ingrédients du sacrifice. Oh, les orifices. Et fait bouillir les nouilles sacrées pour notre plus grande joie. Voilà, quoi ? Merci, Christine. Voilà, Darine. S'il te plaît, juste lui, je le descends, juste lui. Tu confirmes que c'est un accident ? Mais tais-toi. Mais assez palabré maintenant, puisqu'est arrivé le moment tant attendu. Non, sérieux, Vlad, c'est relou là. Merci, mon Dieu. Ah ouais, pardon, Julie, je me suis laissé prendre par l'ambiance. Non, pas de soucis, c'était juste pour dire. Pas besoin de commentaires, quoi. Mais c'est pas grave. Ah non, mais je comprends très bien, pas de problème. Vas-y, continue. Ok, je disais donc qu'arrivait le moment tant attendu du sacrifice bolognien. Qu'est-ce qui se passe ? On va bien voir. C'est un sabre ? Elle vient de sortir un sabre, là ? Chut ! Attends ! Si vous voulez bien... Et me voilà, capitaine ! Merci. Attends. Non, là, comme ça ? Papa ? Non, mais là, j'ai le sabre, là. C'est chiant, ça pense pas mon gars. Mais attends, je te mettrai le tour dans la main, là. Ok, fais gaffe avec notre chair. Je rêve où elle vient de sabrer un pot de bolognaise. Non, je ne rêve pas. Ok. C'est rêve. On peut passer c'est à table. C'est magique, j'adore. Au nom de la nouille, de la sauce et du Saint-Pesto. Amen. Ok. Amen. Bonne soirée à tous. Et rappelez-vous, après la bouffe, ça y est, on a tout vu. On a leur programme. On a perdu notre soirée. Je pense qu'on peut y aller. Viens, pendant qu'ils sont en train d'installer les tables. Je crois que je vais rester encore un peu, en fait. Hein? Mais non, mais tu peux pas rester. Non, mais juste le temps du dîner. Et quoi ? Tu vas débarquer comme ça, de derrière le rideau du fond, et dire « Ouais, j'étais là comme ça, par hasard, je peux me joindre à vous ?» Ils sont 10, Karim. C'est pas comme si un nouveau venu allait passer inaperçu. D'autant qu'ils t'ont quasiment tous vu au commissariat aujourd'hui. Oui, mais c'est pas... Et puis merde, on est en service, là, je te signale. Ouais, enfin, en service. T'es plus censé t'occuper de ce cas, je te le rappelle. La chef, je le rappelle. Bou. Je peux vous aider, messieurs ? Oui, c'est... Police, nous sommes là pour... Une enquête de voisinage. Voilà, par rapport au bruit qui... Voilà, le bruit est... Mais comment vous nous avez repérés ? Vous êtes sérieux ? Je vois que vous, depuis le début de la cérémonie, deux grosses bosses derrière le rideau, sans compter la tête que votre collègue a passée plusieurs fois pour me regarder. Putain, Karim ! Mais quoi ? Je voulais mieux voir. Vous avez un permis pour ce sabre ? Le sabre ? C'est un sabre pastafarien sacré dédié uniquement au sacrifice de bolognaise. Regardez, il y a même un bouton qui fait bruit de sabre laser. Trop bien. Ouais, je sais. Bon, alors de quoi vous avez besoin ? Non, mais c'est bon. C'est une fausse alerte et puis on doit y aller faire le... Le rapport. Le rapport, voilà. Désolé pour le dérangement. En fait, juste une question. Vous n'êtes pas venu au commissariat aujourd'hui ? Ben non, pourquoi? Ah, c'est vous qui avez convoqué tout le monde, là? C'était son idée. Je devais y aller, mais on m'a dit qu'une femme en colère avait viré tout le monde avant la fin. Mmh. Ouais, voilà. Quelque chose comme ça. Bon, pendant que je vous tiens, vous n'auriez pas eu la mauvaise idée de repeindre mon appartement à coups de bolognaise lundi soir, par hasard? Je pense pas. Lundi soir, j'étais trop occupée à dépecer des chatons, c'est mon culte diabolique qui l'exigeait. Vous savez? Celui qui consiste à manger des pâtes en se déguisant en pirate. Ce sera tout? Oui. Bon, et ben, je vous laisse. J'ai affaire. Bonne soirée. Oui, bonne soirée. Et j'aime beaucoup ce que vous faites. Karim. Parfait. Super. Grâce à toi, je me suis foutu la honte devant la chef des pastafariens. Juste ce qu'il me fallait. Oh, ça va. Hein. Cette soirée a déjà été assez calamiteuse sans que j'aie à supporter tes jérémiades. Ouais, c'est ça. J'ai quand même été bien sympa de te suivre. Hein. La prochaine fois, je viens sans toi. Ah, tu me feras une immense faveur. Ouais. Bah oui, évidemment. J'y avais pas pensé. Bon. Demain alors? Tu vas par où, toi? Je sais pas. Manger un truc quelque part. Ça m'a donné faim, cette cérémonie. De toute façon, depuis qu'on est sur cette enquête, j'ai tout le temps faim. Pas toi? Non, soif. Plutôt. Enfin, je crois que je vais aller me prendre une bière. Chacun sa cam. Bon, à demain, Mathieu. Ouais. Tout me faisait chier dans cette affaire. Ma chef, mes suspects, mon collègue, les mardis, l'insupportable cynisme de la vie cruelle qui ne fait rien qu'à te balancer dans les pattes des affaires sans queue ni tête. Et la météo. Ça faisait 3 jours qu'il me pleuvait dessus dès que je mettais le nez dehors. J'allais pas me laisser abattre. Je n'allais pas laisser la vie me marcher sur les pieds plus longtemps. Il était l'heure de relever la tête et d'affronter ma situation. La vache, c'est beau. On dirait l'histoire d'un ténébreux romantique qui va sauver le monde en restant dans l'ombre mystérieuse de son humilité virile. Tiens, qui voilà? Ne serait-ce pas le phénix des pocherons de ce bar? Jean-Louis, ça te ferait mal de juste dire bonsoir pour une fois? J'en sais rien, j'ai jamais essayé. Tu me servirais une bière pour voir? Je sais pas. Tu vas me la payer? Un jour, promis. Comptez pas sur moi pour vous l'offrir, celle-là. Hein? Mais... Maric, mais... Vous êtes là depuis longtemps? Au moins autant que vous, hein? Merde, je vous avais pas vu. Vous devriez sérieusement envisager de changer de métier, Mathéo. Ouais, ne me tentez pas. Maric, est-ce que vous faites partie de ces personnes qu'on ne peut voir qu'une fois qu'elles vous ont adressé la parole? Oh, ben qu'est-ce que vous allez chercher là? C'est beaucoup plus simple que ça. En fait, j'existe sur plusieurs plans de réalité à la fois. Et je ne fréquente la vôtre que depuis peu. J'apparais, je disparais, au gré des fluctuations quantiques. Et puis là, ben, je me suis tombée dessus. Comme ça, par hasard. Allez savoir, peut-être que je devais vous arriver. Santé, Mathéo. Alors comme ça, vous êtes flic? On peut dire ça, ouais. J'aime pas trop les flics. Vous n'êtes pas la seule. Et ça vous plaît? Qu'on n'aime pas les flics? Non, je m'en fous. Non, d'être un flic. Qu'est-ce que j'en sais? Ça dépend des fois. Dans l'ensemble, c'est assez ennuyeux, très répétitif. Puis un jour, tu sais pas comment, tu te retrouves avec un ours dans une 4L. Un ours dans une 4L? Ouais, mais c'est une longue histoire, je vous la raconterai une autre fois. Et vous alors? Vous êtes quoi? Je vous l'ai dit, fluctuante. J'apparais, je disparais, comme un mauvais rêve. Vous êtes encore là? Ah, vous voyez que vous pouvez être encore un bon flic. C'était quoi votre question? Ah oui, vous êtes quoi? Drôle de question quand même, vous êtes quoi vous? Moi je suis grognon ascendant grincheux. Tu parles, ça vous ferait trop plaisir. À votre avis, Mathéo, qu'est-ce qui compte? Ce qu'on est ou ce qu'on s'invente? Vous dites ça parce que vous êtes de mauvaise humeur. Non, la mauvaise humeur c'est votre truc. Moi j'ai pas le temps, alors? Vous savez ce que je pense? 2 choses. La première, de toute façon, j'aurais pas assez d'imagination pour vous inventer. Et la deuxième? La bière est vide et c'est pas normal. Jean-Louis! J'arrive! Oh, grand Manitou de la tireuse! Alors vous voyez, Jean-Louis par exemple, personne n'a jamais réussi à prouver qu'il existait. Ah si? Il y a eu un mec une fois, mais il avait trop bu pour s'en souvenir. Bon, sinon Maric, qu'est-ce que vous faites entre 2 fluctuations? Je m'ennuie. La vie, on a beau dire, ça vous prend par surprise. C'est toujours dans les moments où rien ne va qu'elle revient vers toi avec un grand sourire et une boîte de chocolat. Et puis, elle te met un coup de boule et elle repart avec les chocolats. Nous sommes désormais le lendemain au commissariat. Toutes nos excuses aux auditeurs qui supportent mal les bonds dans le temps, mais à l'instar des particules de la physique quantique, nous sommes contraints à certaines dilatations spatio-temporelles. Good morning, chers collègues. Oh, oh, oh, tranquille, Karim. C'est que mon troisième café, là. Ah, je vois que t'as traîné un peu après mon départ, la veille difficile. Moi, j'ai super bien dormi. Ouais, je vois ça. T'as bien mangé aussi ? Délicieux, grillade de dinde et de veau mariné sur le grill vertical par les gars. Kebab quoi. Tu sais ce que c'est ton problème, Mathéo ? Mon docteur dit que c'est le foie. Tu manques de poésie. Ouais, ça doit être ça aussi. J'ai croisé Tessy ce matin. Tiens donc. Tu sais ce qu'il m'a dit ? Qu'il retrouvait plus ses clés ? Non, enfin si d'ailleurs, enfin il m'a... Bon, bref. Je lui ai demandé ce qu'il pensait de notre affaire. Il a dit qu'il comprenait pas trop le délire pastafarien, que ça lui avait l'air d'être totalement bidon, cette histoire. Et il sait de quoi il parle. Et qu'il pense que pour ce qui est de ton appart, c'est sûrement un malentendu. Je vais lui coller mon malentendu dans les dents, on verra ce qu'il en dit. Ouais, passe. Il m'a dit aussi qu'il y a une femme qui a débarqué hier soir, sur Iba. Apparemment, elle a croisé un sale con en entrant dans le commissariat. Ça te dit quelque chose ? Le sale con plaide coupable, et si c'était à refaire, je le referais. Bon, qu'est-ce qu'elle voulait alors ? Eh ben, figure-toi qu'elle avait des renseignements sur ton affaire. Non, mais on l'avait pas convoquée, si ? Il semblerait qu'elle soit venue d'elle-même. Elle avait des infos sur un pastafarien énervé. Tessy n'a pas su m'en dire plus. Quoi ? Mais il a bien un nom, des détails, quelque chose ? Bah non, il était en train de partir, il a pas pris de notes. Oh non, mais c'est pas vrai. Mais il lui a dit qu'il la rappellerait. Rassure-moi, il a au moins pensé à prendre son numéro. Oui. Alléluia, tout arrive. Oh non, mais quoi encore ? Fermez derrière vous, s'il vous plaît. Claude Le Goëc, ça vous dit quelque chose ? Le Goëc ? C'est mon informateur anonyme. Pas très anonyme d'ailleurs, ni très informé. On est allé l'interroger avant-hier, pourquoi ? Parce qu'on a retrouvé son corps ce matin dans un parking. Il a été assassiné.